Yeah, c'est tout dit, yeah. Le déclic, de retour, rien, tant même tu sais. Hip hop, infanterie, 8-900. Tiens, prends ça, putain de son dans tes tympans. Montre le volume d'un cran, tout dit déclic, c'est cinglant. Plus de 5 ans que je fais du son pour mes cinglés. Pas pour les balles tringues, mais pour ceux qui me servent de tringler. Je suis en train de te le montrer quand moi le son est ancré. J'avais écrit en gras et dans le rap, je suis un engrais. Je suis prêt à faire des pompes pour pouvoir gonfler mon rap. Mais pas pomper les os toi-même, écarter les pattes. On débarque, mais des claques et on détarte le RAP. Laisse des marques, mais des tacs, remarque, on vient tout érafler. Cet art, c'est une façon pour nous de pas déraper. Terrasser ces faux MC si on vient tout rafler. Son après son, je suis toujours en progression. La tête sur les épaules, même si mes progrès sont en hausse constante, constate qu'on taffe tout le temps. Même si les cons jattent, contente-toi, t'es son content. Sache que je prends le mic juste pour baiser la France. J'annonce que l'État se méfie de mes pensées. Et où c'est bosniaque rempli de rage. La page, je la tombe pas, je veux créer des ravages. Dégager et laisser la place aux étrangers. Vous détestez les armes qui étaient dans les tranchées. N'oubliez pas, 111 années d'esclavage. Le Vatican et la France vous tenez dans les cages. Si je serais noir, je cracherais sur les Français. Cette phrase te choque, mais le passé, faut pas le renoncer. À cause de vous, l'Afrique est pauvre aujourd'hui. À cause de vous, j'ai eu la guerre en Bosnie. François Mitterrand qui se retourne dans sa tombe. Son fils de pute a vendu aux Serbes des bombes. Vous étonnez pas qu'il y a des armes des Balkans. Je les revends pour vous voir mourir dans mon balcon. J'avance sur le rap comme le fait un funambule. Dangereux, c'est sur un fil, mais moi je vais sortir de ma bulle. Quitte à prendre des risques, j'avance et jamais je ne recule. Je vais au fond de moi-même, je donne tout, jamais je ne calcule. Ouais, je m'imagine plus tard déchirer des tas de morceaux. Les experts retrouveront mon ADN sur un micro. En tout cas, je l'espère, mais est-ce que les portes s'ouvriront? Et si un jour j'y arrive, est-ce que mes potes souffriront? Non, j'ai des défauts et des qualités, mais surtout des convictions. Sans jeu, je serai comme un procès, sans pièce à conviction. J'ai pas besoin de senser, mon moteur c'est la passion. Moi je viens de senser, je sais que pour percer, faut être patient. Je suis quelqu'un de sensé, alors je sais qu'il me faudra du temps. On fait du rap français, il nous colle comme un aimant. Pour l'instant, c'est le principal, je me sens bien dans mes skate-bars. Et je remercie tout Deep de pouvoir être sur ce que de là. L'histoire débute au dernier rang d'une salle de classe. À l'arrière d'un bus ou autour de nos premières bâches. Le rap nous tombe dessus, on en parle dans la cour. À partir de là, on écrit, on suit plus les cours. Et on est allé au front pendant des années. Tout ce qu'il nous fallait, un ghetto blaster et une allée. On bataillait toute la journée pour les voir tailler, pour les voir chialer. Ces faux MC qui faisaient que piailler. Puis aller, au bout d'un temps ça nous a saoulé. Faire du bon son et le faire tourner, nous c'est ce qu'on voulait. Comme des foulecs, une feuille, un crayon et une boulette. On s'est lancé dans notre délire avec un projet en tête. Sans aide, autoproduction à 100%. On a sorti notre premier scud en s'en battant de percer. Bercé par nos instrus et par nos versets. Depuis cette époque, c'est dingue, toute langue a été versée.